suis Adam, je toujours Nicolo, président de Saga, majesté DJ, le petit marabout pour toi, aïe aïe aïe c'est fort. Willick, Willick mon frère, Laura Manager, Romy la machine, le vieux Ibo toujours. Celui qui saigne est un seigneur, le président de Saga, le sommet de l'Himalaya toujours. Aïe aïe aïe, c'est fort. La paix dans ce pays, en sagacité. Coupé, décalé, décalé, coupé, coupé, décalé, décalé, coupé. Ni cassé, coton, ou coupé, ni cassé, ouagadou, ou coupé, ni cassé, bamakwa, coupé, ni cassé, guichas, ou coupé. Décalé, tout le monde est coupé, coupé, décalé, décalé pour coupé. Brahménia grey, oh lui, Brahménia grey. Missy Brahménia grey, you bring a mirror na mama. Tu saga bedu, akrama mumu mienia gro. Gana fue mon asu, Missy Brahménia saga. Gana fue mon sasu, Missy Brahménia coupé. Sagacité, coupé, sagacité, coupé, décalé, décalé, sagacité. Faut que tu pas travailler, ma, travailler, décalé. Tout le monde qui a coupé, ni cassé, bambako. Ambele ba coupé, ni cassé, coto. Solo béton. Ambedou ba coupé, ni cassé, Cameroune. Ambedou ba coupé. Nikase Morovia, ah, amena coupe. Nikase Dakar, mama yo, amena coupe. Nikase Kumasi la, amena coupe. La paix dans ce pays, en sagacité. La paix dans ce pays, en sagacité. Eric Maré. Jeffrey DJ, Dieu prophète et premier dit maman Sandrina. Toujours Nicolo, hein, hein. À couper, à décalement, décoller, décaler. Oxy, oxy, le yaksa, les massam. Tout le monde a s'envoler, man.